Cependant, la maréchale avait besoin d'argent. Elle serait morte plutôt que d'en demander à Frédéric. Elle n'en voulait pas de lui. Cela aurait gâté leur amour. Il subvenait bien aux frais du ménage. Mais une petite voiture, louée au mois, et d'autres sacrifices indispensables depuis qu'il fréquentait les Dambreuse, l'empêchaient d'en faire plus pour sa maîtresse. Deux ou trois fois, en rentrant à des heures inaccoutumées, il crut voir des dos masculins disparaître entre les portes. Elle sortit souvent, sans vouloir dire où elle allait. Frédéric n'essaya pas de creuser les choses. Un de ces jours, il prendrait un parti définitif. Il rêvait une autre vie, qui serait plus amusante et plus noble. Un pareil idéal le rendait indulgent pour l'hôtel d'Ambroise. C'était une succursale intime de la rue de Poitiers. Il rencontra le grand monsieur A, l'illustre B, le profond C, l'éloquent Z, l'immense Y, les vieux ténors du centre-gauche, les paladins de la droite, les burgraves du juste milieu, les éternels bons hommes de la comédie. Il fut stupéfait par leur exécrable langage, leur petitesse, leur rancune, leur mauvaise foi. Tous ces gens qui avaient voté la Constitution, s'évertuant à la démolir. Et ils s'agitaient beaucoup, lançaient des manifestes, des pamphlets, des biographies. Celle de Fumichon, par Hussonnet, fut un chef-d'œuvre. Nonancourt s'occupait de la propagande dans les campagnes. M. de Grémonville travaillait le clergé. Martinon ralliait des jeunes bourgeois. Chacun, selon ses moyens, s'employa jusqu'à Sisy, lui-même. Passant maintenant aux choses sérieuses, tout le long de la journée, il faisait des courses en cabriolet pour le parti.